Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 23 septembre 2024. Démarrons tout de suite par nos amis les Béliers. Bélier, votre énergie n'est pas inépuisable, alors bien que septembre soit une période plutôt électrisante, dynamique, il est important que vous ralentissiez, accordez-vous des moments de détente. Côté relation, Vénus et Pluton risquent d'entraîner des rapports conflictuels, ne jetez pas l'huile sur le feu, faites plutôt profil bas. On attend que ça passe. Amis Taureau maintenant, Mercure et Uranus vous promettent une bonne nouvelle en affaires, ou en tous les cas, côté pro. Alors, saisissez les perches tendues. Et côté relation, c'est parmi vos repères familiers que vous trouvez le meilleur moyen de vous détendre. Alors, prenez le temps de savourer des heures de tranquillité avec les vôtres. Famille, amis, profitez-en. Gémeaux, dès lundi, le soleil renforce, oui, votre volonté. Dès jeudi, Mercure vous aide à rebondir et vous pouvez vous dépasser et même vous épater vous-même. Côté relations, dans vos relations affectives, privilégiez le dialogue et aussi la tendresse. Évitez les rapports trop passionnels qui tourneraient vite au vinaigre. Maintenant, amis Cancer, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Eh bien, dès mercredi, Mars et Saturne, favorisent l'accomplissement de vos projets grâce à une approche pragmatique et déterminée. Soyez donc ambitieux, c'est permis. Côté relations, maintenant, dès lundi, Vénus vous envoie des bonnes ondes. Vous expérimentez vos relations de manière plus profonde. En solo, eh bien, sachez une chose, c'est que l'amour vous appelle. Oui, oui. Lion, maintenant, vous poursuivez le mois dans une ambiance sereine. Les astres sont bienveillants et renforcent vos capacités naturelles. Songez à vous inscrire, par exemple, dans de nouveaux loisirs. Et côté relations, Vénus et Pluton risquent de provoquer quelques remises en question familiales. Sachez donc crever l'abcès sans blesser. Tant qu'il est encore temps, en tous les cas. Maintenant, passons à nos amis les Vierges. Eh bien, dès jeudi, développez vos arguments pour négocier. Oui, négocier au mieux des petits comme des grands profits. C'est le moment de faire ça, le succès est là. Côté relation, eh bien, dès lundi, Vénus en Scorpion vous propose de la passion à partager. Quittez vos habits de Vierge sage pour enfiler celui de Vierge folle. C'est tout vous maintenant. Alors, faites-vous plaisir. Maintenant, amis Balance. Alors, déjà, un très joyeux anniversaire pour les Balances qui souhaitent leur anniversaire cette semaine. Mars vous freine, mais le soleil décuple votre volonté. Fixez-vous un laps de temps alloué à une tâche et n'hésitez pas à déléguer quand vous le pouvez. Ça soulage un petit peu. Côté relation, comptez sur votre secteur affectif et sur les conseils de proches pour affronter des chantiers de vos activités avec cohérence et sérénité également. Amis Scorpion, comptez sur certains appuis au départ, ensuite misez sur votre professionnalisme et votre expérience pour réussir. Dès lundi, côté relation, accueillez pleinement Vénus dans votre signe. Elle est là. Votre nature passionnée et romantique reprend maintenant le dessus et votre belle humeur vient à bout de tout. Servez-vous-en surtout comme une arme, cette bonne humeur. Amis Sagittaire, vous avez besoin de vous organiser, de remettre vos idées en place et si nécessaire, surtout demander de l'assistance à votre entourage. N'ayez pas peur, fierté mal placée, vous savez la suite. Côté relations, dès jeudi, comptez sur de belles rencontres amicales, mais aussi des échanges sympathiques pour oublier l'amorosité sentimentale. Ça ne durera pas. Capricorne, vous retrouvez la pleine forme sur le plan cérébral, mais aussi physique. Profitez de cette période. Vous allez briller de mille feux. Oui, côté relation, maintenant, dès lundi, Vénus redonne des couleurs à vos amours et rallume la flamme. Un dîner aux chandelles, une promenade romantique peuvent faire des merveilles. On ne parlait pas de flamme olympique. Hein. Amis Verseau, maintenant, même si ces derniers jours, vous bataillez beaucoup, beaucoup. Oui, on le voit, et les astres aussi. Mercure peut vous amener une bonne nouvelle, et ce, dès jeudi. Alors, tenez bon, accrochez-vous. Côté relation, amicalement et en famille également, vous échangez avec bonne humeur. Amoureusement, cependant, des inquiétudes vous taraudent un petit peu. Confiez-vous à une oreille sûre. Oui. Et enfin, pour terminer, mes amis les petits poissons, voici ce que les astres vous réservent cette semaine. Saturne pèse sur vos épaules et vous empêche de lâcher prise, mais le ciel reste porteur. Pour que ce punch perdure, continuez de vous aérer. Voilà, profitez de petits moments, un petit peu pour vous aérer l'esprit et faire le plein de bonne énergie. Enfin, côté relation, dès lundi, Vénus, en signe d'eau, intensifie vos rapports. Avec l'être aimé, vous êtes plus gourmand de câlins. En solo, avouez vos désirs. J'espère qu'ils seront comblés en tous les cas. Voilà, votre horoscope de la semaine, c'est terminé. Mais j'aurai grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions. Ciao !